colle. Le chemin des années folles, elle avait dans son cœur les secrets du bonheur. Elle marchait seule dans le froid, son cœur battait la polka. Elle vivait en Géorgie, émigrée. Petite fille des rêvants rêvait de chevaux blancs, d'un pays pour les enfants, de princes charmants. La petite fille des rêvants grandit là-bas et pourtant elle avait tes cheveux et la couleur de tes yeux. Elle avait tes cheveux et la couleur de tes yeux, la couleur de tes yeux. Quand son père lui parlait du pays, certains soirs de nostalgie, elle revivait pour un instant la vie de ses grands-parents. Elle partait pour un monde lointain, un monde chaud et câlin, flotti entre les bras de sa mère qui lui récitait la prière, la prière. Petite fille des rêvants rêvait de chevaux blancs, d'un pays pour les enfants, de princes charmants. La petite fille des rêvants grandit là-bas et pourtant elle avait tes cheveux et la couleur de tes yeux. Elle avait tes cheveux et la couleur de tes yeux, la couleur de tes yeux. Aujourd'hui Sandra a 20 ans. Elle étudie à Moscou, mais son